Chapitre 15. Les préparatifs du départ commencèrent dès le lendemain. En apprenant que Gilbert et Henri allaient abandonner la Cormel pour longtemps peut-être, la bigorne chancela. On vit des larmes remplir les yeux. « Eux déjà, » dit-elle, « il me semble qu'hier encore ils étaient si petits. » Un sanglot étouffa sa voix et elle cacha sa tête dans son tablier. On la vit errer tout le long du jour comme une personne qui n'a plus de maison et plus d'amis. Chaque fois qu'Henri ou Gilbert essayaient de lui parler, elle pleurait. Vers le soir, elle distribua, comme elle en avait l'habitude, des poignées de grains aux pigeons et aux poules qui la reconnaissaient, et des bottes d'herbe fraîches aux chèvres qui accouraient à son appel. Quand elle vit autour d'elle, picotant, gloussant et bêlant, cette famille qui lui donnait ses œufs et son lait, un grand désespoir la saisit. « Vous ne savez pas, » s'écria-t-elle, « ils s'en vont. » Il lui semblait que sa vie était brisée par le milieu. « Ah, les pauvres mères, que je les plains !» répétait-elle sans cesse. Cependant, son chagrin ne l'empêchait pas de vider les armoires et de visiter le linge. Elle voulait que tout fût en ordre et s'imaginait que le succès du voyage eût été compromis, si quelque chose eût manqué au trousseau de ses élèves. Un certain trouble s'emparait de son esprit. À la pensée de ce qu'il deviendrait quand elle ne serait plus là pour les soigner, éveillée sur leur santé. Et puis, qui raccommoderait leurs vêtements? Elle avait une idée confuse de Paris et se le représentait comme un endroit où il y a tant de maisons que l'on n'y respire pas. Elle ne savait pas bien en outre où cela était. « Quelle idée a donc Monsieur le Duc d'envoyer ses enfants si loin ?» se disait-elle. Tandis que ses mains actives allaient et venaient au-dessus du linge qu'elle pliait et entassait dans les coffres, de grands spasmes soulevaient sa poitrine par intervalles. Tout à coup, on la vit quitter son ouvrage et courir dans la chambre où le duc était occupé à écrire. « Monsieur, » dit-elle en poussant la porte, « avez-vous bien réfléchi ?»« À quoi ?» répondit le duc. « Épardine, à ce beau voyage ?» Pourquoi les enfants ne resteraient-ils pas ici? Qu'est-ce qui leur manque? On a vécu à la Cormel jusqu'à présent, on y vivra bien encore. Je suis forte, et Noël ne recule pas devant le travail. Voyez comme ils viennent bien tous les deux. Si plus tard vous songez à les établir, il y a dans le pays de braves filles qui ne seraient pas moins malheureuses de les épouser. Il suffit de voir comment les plus huppées les regardent à la messe. Il paraît en outre que l'orphelin est riche. Ça les aidera l'un et l'autre à entrer en ménage, et puis... s'il fallait encore quelque chose. Vous savez bien que j'ai un bout de champ dans mon village. En y ajoutant le prêt de Noël, on en retirait quelque argent, et ce serait pour eux. De cette façon, il y aurait deux noces à Cormel. La maison est assez grande pour y loger une nichée de petits-enfants, et on ne se quitterait pas avant l'ordre du bon Dieu. Monsieur de Carlepont posa la main sur le bras de la bigorne. « Ma pauvre fille, » dit-il doucement, « l'un de ces enfants dont tu parles est mon fils. » Je suis par l'adoption presque le père de l'autre. Tu sais bien que je les aime. Si donc je dis qu'il le faut, c'est qu'il le faut. » La bigorne tordit ses bras par un mouvement d'une angoisse inexprimable et soupirant. « Allons, » dit-elle, « n'y pensons plus. » Pendant ce temps, Noël cassait tous les instruments qui lui tombaient sous les mains. « Sont-ils maladroits ? » répétait-il sans cesse, et il s'en prenait aux instruments dont il jetait les débris çà et là. Enfin, le jour du départ se leva. La bigorne, qui ne dormait plus, allait par le jardin comme une louve. Elle n'essayait même plus de siffler. Par les soins de Noël, le cabriolet jaune qu'avait si souvent porté et remporté M. Bonafous se trouva prêt à l'heure désignée. Le pauvre garçon avait son bonnet enfoncé sur les yeux et s'obstinait à frotter avec la manche de sa veste la bride et le mors du cheval blanc. Henri et Gilbert parurent ensemble devant la maison et regardèrent tout autour d'eux. Ils étaient un peu pâles. Qu'il leur avait été doux de ces arbres et ces gazons, ces champs paisibles et ces beaux hospitaliers. Que d'heures heureuses s'étaient envolées pour eux à la clarté de ce ciel limpide. On déjeuna à la hâte sans parler. Il fallut cependant monter en voiture. Henri se jeta dans les bras de la bigorne. Gilbert voulut rire en l'embrassant. Ses yeux se couvraient de larmes et sa gorge resta serrée. « Ah, mes enfants, mes pauvres enfants !» dit la bigorne. Et elle éclata en sanglots. Ils sautèrent dans le cabriolet où la voix de M. de Carlepont les appelait. Le cheval partit et tourna l'enclos. Un instant après, il trottait sur le chemin blanc. « Ah, mon Dieu !» cria la bigorne quand elle ne vit plus rien, et elle tomba sur l'herbe. Noël pleurait dans un coin, la tête sur le tronc d'un arbre. Le soir même, M. de Carlepont et ses fils couchaient à Paris. Et dès le lendemain, Henri s'installa dans un modeste appartement de la rue Cassette, sous les fenêtres duquel s'étendait un vaste jardin semé de grands arbres. Il avait de l'air et de la lumière. « Et moi ?» demanda Gilbert, qui n'aperçut qu'une chambre à coucher. « Monsieur le comte, » lui répondit M. de Carlepont d'un air un peu grave, « vous avez des rentes. Ce trou n'est bon que pour qui n'en a pas. Je ne suis, monsieur le comte, que pour ceux qui ne me connaissent pas, » s'écria Gilbert d'un accent irrité. « Appelez-moi Gilbert, ou je croirai que vous ne m'aimez plus. » « Eh bien, mon enfant, » reprit le duc d'une voix douce, « je ne te prêcherai jamais des folies, mais je veux que tu te montres digne de la fortune que le hasard a mise dans tes mains. Apprends donc à t'en servir. Le beau sera que cela ne t'empêche pas de travailler. » Une heure après, Gilbert avait fait choix d'un petit pavillon qui dépendait d'un hôtel voisin de la rue Cassette. Un tapissier fut chargé de le meubler. Monsieur de Carlepont employa deux ou trois jours encore à présenter les jeunes gens et quelques personnes avec lesquelles il avait conservé des relations dans le meilleur monde de Paris, et au bout de la semaine, il les embrassa pour retourner à la Cormelle. Au moment où le sifflet de la locomotive donnait le signal du départ, Monsieur de Carlepont pensa à la grande ville au milieu de laquelle il abandonnait ses deux êtres chers à son cœur, et il vit tout son passé dans un éclair. Il se souvint de celle qui n'était plus, et regardant au loin l'amas confus des dômes et des maisons englouties dans la brume, « Ô Philibert, veille sur eux » murmura-t-il. Vers la fin du mois, Henri et Gilbert se promenaient un soir dans le jardin du Luxembourg. Gilbert marchait d'un pas nerveux. Henri l'écoutait d'un air souriant. Un flot de sang vermeil rougissait leurs joues. L'un regardait à ses pieds. L'autre levait ses yeux sur l'horizon clair, tout illuminé des splendeurs du soleil couchant. Ils avaient déjà subi ce premier baptême que donne le spectacle de Paris. Ainsi, tu ne veux pas partager. Tu t'obstines dans ton refus, s'écria Gilbert tout à coup. Écoute-moi sans te fâcher, répondit Henri. Tu sais vers quelle éducation mon père nous a dirigés l'un et l'autre. Ma conscience me crie que ce sera aller contre son désir que d'accepter lâchement l'aisance et la liberté que tu m'offres. Si elles doivent être mon partage un jour, je veux du moins les avoir conquises par un effort de mon intelligence. Reculer devant les obstacles, les éviter en quelque sorte, il me semble que ce serait une trahison. Tu as tort. Ne comprends-tu pas que cet argent inutile que tu refuses, il va disparaître comme fond la neige d'avril au premier rayon. Il n'en restera rien que le souvenir de quelques sottises. Des sottises. Oui, Paris me grise. Je ne vis plus, je ne dors plus, ou du moins une vie nouvelle, inconnue, étrange, coule dans mes veines, et les remplit d'une flamme qui m'effraie en me ravissant. J'ai la fièvre. Dis-moi, le mouvement de cette multitude où des foules vont et viennent sans relâche, ne communique-t-il pas tout à ton être quelque chose de cette agitation qui tourmente le feuillage des forêts à l'heure où souffle le vent? Mes pieds se lassent à me porter partout. Un jour aux Champs-Élysées, le lendemain au faubourg Saint-Antoine, je ne fais qu'un bond de luxe extrême à l'extrême indigence, et mon esprit en éprouve des secousses qui le fouettent, comme un corps trempé de sueur, qui inonde tout à coup un jet d'eau froide. J'ai vu les théâtres et leur magnificence, les bals publics où le délire est en permanence, les boulevards où l'Europe a fait son lit comme un torrent pressé qui s'écoule, et je sens bien que je ne résisterai pas à ce tourbillon. Il m'attire, il m'appelle, et je ne sais quelle âpre curiosité me pousse à m'y confier. Avec toi, j'en sortirai, seul, qui sait. Si tu n'y perds qu'un peu d'or, qu'est-ce? J'ai vu la Sorbonne et le Collège de France. J'ai entendu ces professeurs célèbres dont mon père nous vantait les rares connaissances, et leur parole m'a fait tressaillir. J'ai parcouru ces hôpitaux immenses où la misère y trouve un asile, et j'ai été épouvanté à la vue de ces marées d'hommes se succédant sans relâche dans les longues salles habitées par la mort. Que d'efforts sans cesse renouvelés pour que le bien puisse lutter contre le mal et son acharnement. J'ai visité ces galeries fameuses où les chefs-d'œuvre de tous les siècles sont entassés, et mon âme en a reçu comme une rosée d'en haut. C'est là, et dans ces bibliothèques inépuisables ouvertes à tout venant, que sont déposés les titres de l'homme à l'immortalité. J'ai assisté aux leçons prodiguées du haut de sa chair à la jeunesse, et j'ai regardé passer les cohortes frémissantes qui un jour porteront la science aux quatre coins de l'univers, comme une semence féconde confiée au printemps. J'ai pénétré dans des ateliers retentissants où le travail tient ses assises, Et là, dans une muette frayeur, j'ai compté les populations sans nombre d'ouvriers qui sont comme l'armée de la civilisation, et où une heure de chômage ouvre la porte à la faim, que de femmes et d'enfants derrière ses bras nus et ses fronts courbés. Te dirais-je l'émotion qui s'empare de moi à ce spectacle? Paris est comme une cuve immense où tout est en ébullition, la pensée, le rêve, la folie et le crime. Tout en peut sortir, des scores immondes, le métal le plus pur. Il n'est pas d'espérance ambitieuse qui ne puisse être exaucée par l'avenir. Pas de crainte chimérique qui ne puisse être un jour dépassée. J'ai vu les faubourgs et les boulevards, la place de la Concorde et le jardin des Tuileries, et je me suis souvenu des journées furieuses de la Grande Révolution. J'ai entendu en esprit le tambour de Santerre et flairé l'odeur du sang. Le vertige m'a saisi. Je sais dans cette ville les profondeurs d'un monde inconnu tout à coup sortira. L'extrême intelligence y bouillonne, l'extrême corruption y fermente, laquelle l'emportera. Eh, que me fait à moi l'avenir? Le présent me suffit. Hier j'étais à l'opéra. Un chanteur que tous les théâtres de l'Europe se disputaient jetait les mélodies de sa voix à la voûte éclatante et sonore. Une ivresse indéfinissable circulait partout. Les femmes, penchées sur le rebord des loges ou renversées en arrière dans des poses alanguies, livraient au regard les battements de leurs seins gonflés par l'émotion. Un vague parfum qui s'échappait de la soie et de la dentelle augmentait l'enchantement des sens. Quelle pâleur subite sur ces beaux fronts inclinés! Quelle rougeur ardente et fugitive sur ces joues caressées par l'éventail! Je ne respirais plus. Que n'avais-je mille cœurs pour les jeter en pâture à ces yeux charmants, à ses belles mains, à ses lèvres rêveuses. Un instant, à la sortie, je me suis arrêté sous le péristyle pour voir descendre toutes ces inconnues auxquelles mon imagination se plaisait à donner les noms les plus illustres de l'histoire et de la fable. Ah, mon ami, je ne m'appartiens plus, et 20 fois j'ai failli courir et crier en tombant au pied de la dernière qui passait « Je t'aime et je suis à toi ». Toutes celles que j'ai regardées dans mes promenades, je ne sais pas si je les ai vues. Une seule fois, je me suis retourné, saisi tout à coup d'un tremblement. C'était dans le jardin des Tuileries. Une jeune fille traversait la grande avenue. J'ai cru reconnaître Mademoiselle de la Morlaix. Léopoldine? Eh oui. Une Léopoldine plus belle et plus grande, et telle que peut l'avoir fait le souffle de son printemps. Mais ce n'était pas elle, et le trouble de mon cœur s'est apaisé. Un moment de silence se fit entre les deux jeunes gens. « Penses-tu quelquefois à la Cormelle ?» reprit subitement Gilbert. « Oui, souvent, et toi ?»« Souvent aussi, et cependant, quoi qu'il arrive, je n'y retournerai jamais que pour y passer. »« Certes, j'aime ceux de Carlepont, ton père, à lui donner mon sang, la Bigorne, et Noël, et Falco, mais la vie est ici. »« Je n'y retournerai pas non plus, et de longtemps peut-être, mais ce n'est pas le sentiment que tu exprimes qui me retiendra. » Il y a une tâche à accomplir. Le chemin que mon père m'a indiqué du doigt, je le parcourrai. La nuit était venue. Les promeneurs quittaient le jardin. Comme les deux amis arrivaient à la grille, Gilbert saisit la main de Henri. Ainsi tu me laisses avec mon 2 millions sans me faire l'aumône d'un emprunt? C'est de l'égoïsme si tu veux, mais à toi la charge entière. Promets-moi du moins que si jamais un caprice te rend visite, es-tu bête? Et à qui veux-tu que je m'adresse si quelque jour la fièvre dont tu es mordu cogne à ma porte? À présent, viens-tu avec moi, rue Cassette? Il y a sur ma table des livres tout neufs, dont je n'ai pas encore coupé les pages blanches. Gilbert secoua la tête. Il me semble que l'une de ces déesses qui m'ont fait perdre la tête hier à l'opéra, reprit-il, assurait qu'elle irait aux Italiens ce soir. J'y cours. Et si elle y est, à la grâce de Dieu. Et si tu ne l'y trouves pas? Je finirai ma nuit au bal masqué. Que feras-tu de la tienne? J'en donnerai la moitié au travail. Le reste au sommeil. As-tu tort? Ai-je raison? Qui sait? Dit Gilbert. Un sourire éclaira le visage d'Henri. Une dernière fois, il serra la main de son compagnon, et Gilbert se jeta dans un coupé qui passait sur la place de l'Odéon.